éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire du sport et du féminisme, Billie Jean King, une joueuse de tennis américaine qui a osé défier les préjugés sur les femmes dans les années 1970. Elle est née le 22 novembre 1943 à Long Beach, en Californie. Tout au long de sa carrière, elle n'a pas seulement marqué l'histoire du tennis, elle a aussi profondément contribué à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Dans les années 1960 et 1970, le tennis féminin était encore considéré comme secondaire. Les joueuses gagnaient beaucoup moins d'argent que les hommes et leur travail était rarement reconnu. Billie Jean King, elle, voulait que cela change. Elle croyait profondément que les femmes méritaient le même respect, la même visibilité et les mêmes opportunités que les hommes. En 1973, un événement va la faire entrer dans la légende. Un ancien champion de tennis, Bobby Wings, volontiers machiste et provocateur, a pour habitude de critiquer publiquement le tennis féminin. Selon lui, inférieur à celui pratiqué par les hommes et clame que aucune joueuse en activité ne pourra jamais venir à bout d'un retraité. Il provoque Billie Jean King en duel, soit la meilleure joueuse à l'époque, persuadée de gagner facilement. Elle accepte le défi. Le match, appelé The Battle of the Sex, a lieu à Houston devant des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs à la télévision. Contre toute attente, Billie Jean King remporte le match en 3-7. Cette victoire dépasse largement le cadre du sport, car elle devient un symbole de la lutte pour l'égalité entre les sexes et montre que les femmes ont toute leur place dans la compétition de haut niveau. Mais Billie Jean King ne s'est pas arrêtée là. Elle a fondé la Women's Tennis Association, la WTA, pour permettre aux joueuses de se regrouper et de défendre leurs droits. Elle s'est aussi battue pour que les tournois de tennis accordent les mêmes primes aux hommes et aux femmes. Et grâce à elle, l'US Open, l'un des tournois les plus prestigieux du tennis mondial, est devenu le premier championnat à instaurer cette égalité. Plus tard, elle a aussi pris position pour les droits des personnes LGBTQ+, en parlant ouvertement de son homosexualité, à une époque où c'était encore difficile à faire. Aujourd'hui, Billie Jean King est reconnue comme une pionnière, non seulement du tennis, mais aussi du combat pour l'égalité homme-femme et le respect. Elle a prouvé qu'une athlète pouvait faire évoluer les mentalités bien au-delà du terrain de jeu.